Le 28 février 1848, la fille de George Sand donne naissance à une première fille, Jeanne Gabrielle, qui mourra le 6 mars de la même année. En 1849, naîtra Jeanne, dite Nini. Deuxième partie, une épouse rejetée, 1847-1854. À George Sand. Guillery, 20 mars 1849. Ma chère mère, je viens enfin d'obtenir de mon père qu'il me donnerait de quoi faire mon voyage. Ça n'a pas été sans peine. Je viens de voir mon médecin. Il ne voudrait pas que je parte encore. Il n'y a aujourd'hui que 3 semaines que je suis accouchée et on prétend que la malle-poste me secouera trop. Mais, ma foi, il me tarde trop d'être à Paris. J'en ferais une maladie si je restais plus longtemps. Et je crains fort une jaunisse que je sens venir de loin. Nos affaires vont de plus en plus mal. L'hôtel Narbonne est saisi par les créanciers de l'hypothèque. Je ne sais pas si les marbres et les meubles ne le sont pas à l'heure qu'il est. Il faudrait 10 000 francs pour tout sauver, même l'hôtel. Mais comme 10 000 francs sont impossibles à trouver à l'heure qu'il est, cela veut dire que tout est perdu. Qu'importe, la fortune est bien peu de chose dans la vie. La misère m'effrayait alors que j'étais mère. On craint pour son enfant ce que l'on redoute pas pour soi-même. Ainsi, peu m'apporterait la ruine si l'honneur en sortait sauf. Malheureusement, nous vivons dans un temps où l'argent fait tout, même l'honneur. Qui ne paie pas ses dettes est déshonoré. C'est terrible à penser que tout un avenir d'honneur et de gloire va se perdre, faute de 10 petits morceaux de papier imprimés. Clessinger a un courage sans bornes. Il travaille nuit et jour. Il fait dans ce moment une grande statue de la liberté. Mais à quoi sert de travailler? Personne n'achète, personne ne commande. Sa Bacchante est au salon. Il est clair qu'elle ne sera pas vendue d'ici à très longtemps. La peur et la défiance sont à l'ordre du jour. Le fait est que ce gouvernement-ci, il s'agit du gouvernement provisoire mis en place après la révolution de février 1948. La Deuxième République fut éphémère. Ce gouvernement-ci, donc, n'est pas fait pour inspirer grande confiance. Voilà à la tête des affaires quelques ambitieux qui se disputent et s'arrachent le pouvoir. Je me demande comment des gens qui ne s'entendaient pas contre un ennemi commun alors qu'ils faisaient de l'opposition, qui ne pouvait s'accorder pour rédiger un journal, espère agir de concert pour guider toute une nation. Comment Louis Blanc, Ledru Rollin, Flocon, Arago, etc., qui se disputaient si fort au journal La Réforme, pensent-ils gouverner la France d'un commun accord? Je ne vois pas, dans ceux qui ont le pouvoir, des gens désintéressés, des citoyens dévoués corps et âme à la patrie. Je vois des acteurs célèbres, d'habiles comédiens qui oublient l'ensemble de la pièce qu'ils jouent pour chercher à se distinguer les uns des autres et à briller séparément. Cette République ne m'enthousiasme guère, je l'avoue. Voilà ce pauvre Louis Blanc qui s'est chargé d'un rôle au-dessus de ses forces. La mémoire et la voix lui manquent dès la première scène, et il n'a pas l'air de savoir comment s'en tirer. Peut-être verrai-je tout cela d'un autre œil quand je serai à Paris. Il n'y a rien de sot comme de voir de loin danser des individus sans entendre la musique qui les anime et leur marque la mesure. Pour mon compte, je devrais bien maudire la révolution de février. Elle a bouleversé toutes nos affaires au moment où tout allait pour le mieux. Mais cependant, je n'en fais rien, au contraire. Je voudrais voir cette République plus républicaine et surtout plus pure. Ne me réponds plus ici, car je partirai avant ta lettre. Adieu, ma chère mère, je t'embrasse de cœur. Ce pauvre Maurice doit être content cette année. Il ne pouvait manquer d'être reçu. Il lui fallait bien la République pour rompre le charme qui l'empêchait d'entrer au Louvre.